ces draps que je froisse au lieu de t'y trouver, où je voudrais t'étreindre au lieu de t'y rêver, de ce café médiocre auquel tu n'applaudis plus jamais quand parfois je me le réussis, de mes grains de folie qui s'égrènent en vain, de l'eau que je ne mets plus jamais dans mon vin, de toutes ces martiennes qui débarquent ici et qui osent dormir de ton côté du lit, de ton côté du lit, de ton côté du lit. De cet amour déjà fini, fini, et qui pourtant n'en finit pas, délivre-moi. De toutes ces chansons stupides et inodores qui me feraient pleurer si je savais encore, de ces visages entreaperçus dans le métro et qui m'ont fait courir 100 fois comme un idiot, de ces lettres de toi que je ne relis plus mais que je sais par cœur tant je les ai relues, de celles qui déjà est sûr que je t'oublie et qui ose dormir de ton côté du lit, de ton côté du lit, de ton côté du lit. De cet amour déjà fini, fini, et qui pourtant n'en finit pas, délivre-moi. De rien de tous ces mots qui me feraient rougir si la honte et l'amour étaient faits pour s'unir, de ces cris de bonheur que j'ai trop étouffés, de tous ces souvenirs que nous avons ratés, de ces insultes mêmes et toute cette boue dont je t'ai maquillé lorsque j'étais à bout, de ton ombre immobile et qui mange ma vie et qui ose dormir de ton côté du lit, de ton côté du lit, de ton côté du lit. De cet amour déjà fini, et qui pourtant n'en finit pas, délivre-moi.